On te demandera un jour dans un café les raisons de mon amour. Ne les épuise pas dans ma biographie, fable l'ancienne, ni dans la tienne. Cherche-la dans l'épine de la rose qui parfumait un jour ta main, ton premier baiser le plus immense sur les plaines que tu as offertes lors d'un soir de flocons de neige qui confirma que le temps est une crainte et que les promesses dans ton regard juvénile m'attendait toujours dans cette salle de classe, parmi tant de combats et de chutes. J'entendais